on me dit qu'il faut laisser faire le temps. Arrête de me prendre pour une conne. Tu me saoules, t'étais pas comme ça avant. Tu passes ta vie sur mon fun. C'est relou quand l'amour tombe sur les gens. Tombe sur les gens. Quand l'amour tombe sur les gens, je t'aurais déjà à tèche depuis longtemps. Je ne sais plus comment te dire, mais ça me fatigue, nos embrouilles, c'est la guerre tout le temps. Avant sans toi, je pouvais mourir, mais aujourd'hui, quand t'es pas là, j'ai l'impression d'être vivante. J'ai envie de t'aimer comme avant, quand on était complices comme avant. Pourquoi on rigole plus comme avant? C'est des souris tout le temps. Avec toi, j'ai jamais déconné. Dès que je parle avec un mec, ça y est, je t'ai trompé. On va mettre fin, car ta jalousie est en train de m'étouffer. Tête. Dès que j'ai un message, les mêmes questions reviennent tout le temps. Et si un mec fait l'erreur de me regarder, tout de suite c'est de ma faute, je suis fatiguée de m'expliquer. Une partie de moi ne veut plus t'aimer, et dans mes yeux y'a que la vérité. J'ai eu des doutes 100 fois, mais je suis quand même restée. Avec toi, j'ai jamais déconné. Dès que je parle avec un mec, ça y est, je t'ai trompé. On va mettre fin, car je t'ai trompé, on va mettre fin car ta jalousie.